tu t'en sors. Machallah ta mère elle est forte. Rien que ton équilibre pour toi dans le vide. Pas de trêve, pas le temps de partir vers Mexico. Les gens ils comprennent pas, ils croient que nos vies c'est facile. Et la mise ne m'en veut pas si je suis pas trop tactile. Rien que ton équilibre pour toi dans le vide. Pas de trêve, pas le temps de partir vers Mexico. Les gens ils comprennent pas, ils croient que nos vies c'est facile. La mise ne m'en veut pas si je suis pas trop tactile. Quand t'es gentil, tu me demandes de choisir. Moi je voulais consentir. En ce moment je suis pas bien, j'ai le cerveau éclaté. Je regarde Casa des Papels. Il me faut des papiers, qu'une parole elle est sincère. Si tu veux on s'en sort, les vrais je les oublie pas. J'enverrai l'ascenseur. Que me nique la matonne, elle nous fait trop ça madonne. Le guetteur il déconne, en traître il fait passer son com. Ok tu connais, je l'ai repris de voler. Nanana, nanana, je pense qu'elle a fait comme coller. C'est la vie, c'est la zone, en Normandie on zanotte. Je suis pas trop bien, j'ai gambergé toute la noche. Rien que ton équilibre pour toi dans le vide. Pas de trêve, pas le temps de partir vers Mexico. Les gens ils comprennent pas, ils croient que nos vies c'est facile. Et la mise ne m'en veut pas si je suis pas trop tactile. Rien que ton équilibre pour toi dans le vide. Pas de trêve, pas le temps de partir vers Mexico. Les gens ils comprennent pas, ils croient que nos vies c'est facile. La mise ne m'en veut pas si je suis pas trop tactile. Y'en a qu'on pas un plage, enfermé au cachot. Torse nu fait trop chaud, j'lève mon doigt au facho. Là je sors de chez moi, j'ai la haine, mon polo je l'ai taché. Tu veux construire quelque chose de bien, mon poteau faut rien cacher. Elle m'a fait de la peine, mais je l'avais dit de pas s'attacher. À 2-20 sur l'autoroute, la ceinture même pas attachée. Pourquoi tu m'as laissé, mon cœur je l'ai blessé.